Chapitre 13. Le matin suivant, sans s'être rendu coupable d'aucune impolitesse, Mrs. Peters eut soin que toute sa maison déployât une grande activité dans le but de hâter le départ de sa visiteuse. À déjeuner, M. Peters prit congé très affectueusement des deux dames, en leur exprimant son désir de leur être utile tant qu'elles séjourneraient à Clifton. Sa judicieuse femme lui avait fait remarquer en Mrs. Barnaby plus d'une particularité qui n'était guère de son goût. Généralement, sans sortir des bornes du meilleur savoir-vivre, Mrs. Peters arrivait à faire reconnaître à son époux qu'elle était douée d'une finesse de perception très supérieure à la sienne. Aussi, lorsqu'elle eut prouvé que Mrs. Barnaby se mettait du rouge, ce que M. Peters avait d'abord nié absolument, il avoua avec ingénuité que, bien qu'il parût insensé, à première vue, de laisser échapper la belle fortune que la dame leur promettait, il se sentirait véritablement plus à l'aise quand tous les petits pois rouges seraient partis, parce que c'était là un exemple qu'il redoutait pour ses filles. Aussitôt que M. Peters eut fait ses adieux, le valet de pied reçut ostensiblement l'ordre d'aller quérir un commissionnaire pour emporter les bagages de Mrs. Barnaby. « Arrangez-vous pour que cela se fasse avant le dîner de l'office, Stephen. Il faut que William marche à côté du porteur, de façon à surveiller les caisses et que rien ne tombe en route. » Peu de temps après, on demanda le plus amicalement du monde à Mrs. Barnaby si elle ne désirait pas que sa femme de chambre partît en avant pour faire du feu au salon et veiller à commander ce dont sa maîtresse aurait besoin pour le dîner. Puis, environ une heure après que Betty Jacks était partie, la prévoyante Mrs. Peters proposait que James allât à l'appartement s'assurer que tout était en état avant que ces dames se missent en route. Enfin, avant que l'horloge sonnât 3 heures, Mrs. Barnaby, sa nièce, sa bonne et tous ses bagages étaient déposés sains et saufs au numéro 1 de Sion Row. Au premier moment, quand la veuve se trouva dans son salon, elle regarda tout autour d'elle, ne se rendant pas très bien compte de la façon dont elle y était arrivée. Elle avait été démontée et mystifiée par la tactique de Mrs. Peters. Ravie au-delà de toute expression de découvrir que la situation de la famille était infiniment plus élevée que ce qu'elle avait rêvé, sa première pensée avait été, en voyant dans quelle terre promise elle était tombée, d'exercer tous ses talents fascinateurs afin d'y demeurer le plus longtemps possible. Mais la conviction que ce plan ne réussirait pas lui était vite venue, quoiqu'elle ne pût guère s'expliquer pourquoi. Elle n'avait pas la plus légère tendance à se persuader que la chère Marguerite n'eût pas été strictement polie vis-à-vis d'elle. Pourtant, elle voyait bien qu'on l'avait mise au pas, car elle sentait qu'elle ne pouvait se permettre d'aller chez sa belle-sœur ou bien d'y rester sans y avoir été autorisée. Finalement, elle chercha un baume pour la blessure que recevait sa vanité, dans la pensée que la société de haute volée où vivait Mrs. Peters, ainsi que sa connaissance supérieure de la vie, rendait naturellement ses manières différentes de celles qu'elle-même, Mrs. Barnaby, avait connues jusqu'ici, et que par conséquent, c'était elle qui devait se tromper sur leur signification. Au milieu de tout cela, elle commençait sa campagne de Clifton dans les meilleures dispositions d'esprit. Les Peters devaient être une connaissance fort utile, et l'on pouvait se vanter partout d'être de leur parenté la plus proche et la plus chère. Ceci était bien différent de son arrivée à Exeter, où elle n'avait eu d'autre chance que de faire la connaissance de sa couturière. De plus, elle s'était admirablement tirée de la difficulté de se débarrasser de ses vêtements de deuil. Elle avait manœuvré si bien que la toilette d'Agnès serait très convenable, sans lui coûter une obole pendant une année entière. Elle venait de recevoir un trimestre de son revenu, intact, sans aucune réduction, et pour couronner le tout, elle n'avait jamais eu une plus belle mine de toute sa vie. L'intervalle de malaise qui l'atteint inactive dans les premiers moments de son entrée dans son appartement fut donc de peu de durée. Ce n'était pas certainement un salon semblable à celui de Mrs. Peters, mais le quartier était le plus à la mode de Clifton, et avec la manière admirable dont elle arrangeait toutes choses, ce salon deviendrait extrêmement comme il faut. Bon, eh bien maintenant Agnès, « il faut nous mettre à l'ouvrage, » dit-elle en retirant ses gants. « John Ingham, venez ici. »« Il ne faut pas rester à regarder par la fenêtre, mon enfant. »« Il y a énormément à faire avant que nous soyons convenablement installés. »« La première chose est d'apporter toutes les malles ici, celles qui sont venues par le roulage et celles qui étaient avec nous. »« Mais, madame, » répliqua la bonne, « je ne sais pas où vous trouverez la place pour les mettre. »« Il faut que tout soit apporté ici, John Ingham, pour commencer. » Et quand j'aurai déballé toutes mes affaires, nous verrons comment nous en tirer avec les tiroirs, les armoires, les porte-manteaux, etc. Et puis, on portera les malles et les boîtes vides dans votre mansarde, John Ingham, ou dans la petite pièce à côté de ma chambre, que j'ai l'intention de donner à Agnès. À moi, tante, que vous êtes bonne, s'écria Agnès, ravie au-delà de toute mesure à l'idée d'un petit endroit, n'importe lequel, où elle pourrait être seule. Oui, ma chère, vous n'avez pas encore vu les chambres. Venez avec moi, Agnès, tandis que Jerningham va descendre pour les malles, que je vous montre nos appartements. Mais, madame, alors comment vais-je faire avec ces malles? S'écria Betty Jacks dans un accès de désespoir. Je vous assure qu'il m'est absolument impossible de les apporter ici. Eh bien, demandez aux gens de la maison de vous aider. Il n'y a que la vieille dame et sa bonne, et je vous assure bien qu'elles ne le veulent ni ne le peuvent. Mrs. Barnaby se recueillit un moment, puis, tirant sa bourse de sa poche, « Voilà 6 pence, Jerningham. Allez au café le plus voisin et louez un homme pour m'apporter mes caisses. » On ne se figure pas à quel point c'est coûteux, Agnès, ces changements de place. Il faut que nous fassions grande attention. Bien entendu, vous n'avez pas l'idée de dîner après le goûter que vous avez fait à Rodney Place. J'ai eu soin de boire une couple de verres de vin, tout exprès. Il faut bien vous en souvenir, ma chère, que j'ai payé pour vous toute chose, et ne jamais négliger une occasion d'économiser quand vous le pouvez. Aussitôt que nous aurons défait nos malles, nous nous habillerons et nous irons chez le pâtissier. Il y a peu de choses que j'aime autant que les gâteaux, et vous prendrez un biscuit, vous savez, s'il vous faut quelque chose avant le thé. » La majestueuse dame prit le chemin de ses appartements, qui consistait en une petite chambre à coucher située derrière le salon, plus un tout petit cabinet dans lequel était un lit de camp. « Voici, ma chère, la chambre que je vous destine. Elle est, je crois, généralement affectée à un domestique, mais j'ai fait exprès la dépense de louer une mansarde pour Jerningham afin de pouvoir vous donner l'agrément d'avoir celle-ci. Par le fait, ce lit, qui sera le mien, n'est pas trop large pour moi-même, et je n'aurai pas plus de tiroirs qu'il ne m'en faut. » Ainsi, souvenez-vous bien, je vous prie, que jamais un seul de vos effets, grand ou petit, ne se voit dans ma chambre. Je serai bien assez embarrassé, Dieu merci, à trouver de la place pour toutes mes affaires. C'est là que vous avez un grand avantage sur moi, Agnès. Cette fantaisie que vous avez de rester toujours en grand deuil vous facilite beaucoup le casement de vos toilettes. Oh oui, reprit Agnès avec joie, tout tiendra dans l'armoire. Quel charmant appartement, tante, si préférable à celui d'Exeter, ce petit cabinet si gentil. « Combien je vous suis obligé de me l'avoir donné. »« Je serai toujours prête à me sacrifier pour vous, Agnès, tant que vous continuerez à vous bien conduire envers moi. »« Ah, voici quelques-unes des caisses. Allons, maintenant il faut vous mettre à genoux et nous aider à les défaire. » C'était une tâche longue et rude que ce déballage, et tandis qu'elles y procédaient, le soleil brillait dans la chambre jusque sur elles. Et Agnès pensait à ses charmantes promenades avec ses nouveaux amis, soupirant après le bonheur de respirer encore cet air qui soufflait sur elle quand elle se tenait tout debout sur les rochers de Saint-Vincent. Mrs. Barnaby, au contraire, était tout entière à sa besogne, et quoiqu'elle fût devenue rouge de fatigue avant d'avoir tout terminé, son entrain n'avait pas faibli un instant. Il semblait qu'il renaquît à chaque fois qu'elle retrouvait un nouvel article de toilette un peu élégant, et elle appelait encore et toujours Agnès et Jerningham pour leur faire admirer l'adresse avec laquelle elle avait su emballer tout cela. Enfin, tout se trouva fait, mais il ne restait pas dans la chambre un coin qui ne fût rempli d'objets. Il y en avait sous le lit, il y en avait dessus, dans les tiroirs, sur les commodes, pas un pouce de largeur qui ne fût occupé par quelque article appartenant personnellement à la veuve. Il était alors trop tard pour mettre à exécution le projet des gâteaux, et le salon ayant été mis en ordre, ces dames s'assirent pour prendre leur thé. C'est là que l'esprit naturel de Mrs. Barnaby se montra dans son plein, pour former les plans de leur vie à venir. Pendant sa promenade en voiture à Bristol, elle avait appris de Mrs. Peters et de la simple Elizabeth toutes sortes de détails sur les bals de Clifton et de plus que la famille Peters manquait rarement d'y aller. Ce qui est parfaitement suffisant pour nous permettre de nous y présenter d'une manière convenable. Les gens qui arrivent dans leur équipage doivent avoir de l'influence. J'espère bien que ces stupides rabâcheuses de Wilmot nous ont fait donner des leçons de danse, Agnès? Oui, ma tante. Vous êtes toujours si brève dans vos réponses. Vous ne me dites jamais rien. Croyez-vous que vous puissiez vous tirer d'un quadrille sans faire de bévue? Oui, ma tante, je l'espère. Rappelez-vous bien que si vous ne pouviez pas vous en tirer convenablement, j'en serais horriblement fâché, car cela détruirait tous mes plans. J'entends, Agnès, que vous dansiez autant que possible. Rien ne fait faire autant de connaissances parmi les jeunes gens. Je ne me suis pas encore bien décidé sur ce que je dois faire à ce sujet. Je ne crois pas que je doive danser ici, à cause de cette chère Marguerite. Peut-être trouverait-elle que c'est un peu tôt. Je me tournerai probablement vers les cartes. Ce n'est pas non plus un moyen qui soit mauvais pour faire des connaissances. Mais en toute chose, Souvenez-vous bien que vous travaillez pour mon compte, et chaque fois que vous aurez un nouveau cavalier, rappelez-vous toujours de lui dire « Il faut que vous me permettiez de vous présenter ma tante. M'entendez-vous, Agnès ?»« Oui, ma tante, » répondit la pauvre fille avec un soupir involontaire. « Quelle misérable et stupide créature vous faites ?» reprit Mrs. Barnaby sur un ton de grand mécontentement. « Qu'est-ce qui peut vous faire soupirer à présent, juste au moment où je vous parle de bal et de danse ? Pouvez-vous me le dire pour l'amour du ciel ? Plût à Dieu que vous ressemblassiez un peu plus à ce que j'étais à votre âge. Voulez-vous être assez bonne pour me le dire, hein ?»« Je n'en sais rien, ma tante. Je crois que je suis fatiguée. » »« Fatiguée, de quoi ? Par exemple, je voudrais bien le savoir. Allons, allons. Ne prenez pas vos airs de grande dame. » « Je vous prie, et ne soyez pas toujours comme si vous alliez fondre en larmes. Il n'y a rien au monde que je déteste comme les gens qui ont l'air tristes. Je suis moi-même d'un caractère très gai, très heureux, et c'est pour moi un véritable supplice que de voir une physionomie mélancolique. Agnès, je vous déclare que j'ai une faim de loup. Et je ne voudrais pourtant pas sonner encore une fois Jerningham. Elle est de si mauvaise humeur. Faites-moi le plaisir, ma chère, de me faire rôtir cette petite rondelle de pain. » Comme Mrs. Peters a eu raison de nous faire faire du feu. Cela fait un bien. Et puis le charbon est si bon marché ici. Attendez que je l'attise un peu. Là. Maintenant c'est une vraie fournaise. Voilà justement le moment de vous mettre à genoux devant, au beau milieu. C'est cela, sur la pierre du foyer. Agnès obéit, et après quelques minutes passées à s'appliquer assidûment à accomplir le travail commandé, elle présenta à sa tante le pain rôti, son joli visage étant presque aussi coloré que le feu lui-même. « Bonté divine, enfant, comment vous êtes-vous mise dans un état pareil? Vous auriez dû tenir votre main devant votre figure. Ah, j'ai bien peur que vous ne soyez en toute chose aussi gauche que pour la broderie au plumetis. Voulez-vous un peu plus de thé, ma chère ?» Et selon son habitude, Mrs. Barnaby, ayant versé dans sa propre tasse la dernière goutte que contenait la théière avant d'avoir fait sa question, étendait la main vers la source naturelle de toute hospitalité, l'urne tiède. « Non, j'en ai suffisamment, ma tante, merci. Maintenant, s'il vous plaît, je vais enlever de chez vous toutes mes affaires. Oh, je vais arranger si bien mon cabinet. » « Oui, sans doute, mais attendez un moment, Agnès. Si vous aviez par hasard plus de place qu'il ne vous en faut, je vous en prie, mettez mes deux plus beaux cartons à chapeau dans un endroit ou dans un autre parmi vos affaires, que je puisse les atteindre. Je veux dire que Jerningham puisse les atteindre facilement. Je vais faire mon possible, ma tante, mais je crains qu'il y ait à peine la place de mettre ma chaise. Cependant, si vous voulez venir voir, vous serez le meilleur juge. Je vais aller d'abord mettre tout en ordre. Fort bien. Alors dites à Jerningham de trier parmi mes hardes tous les objets qui sont de deuil et de vous les donner. Ah, à propos, Agnès, il faudra vous arranger pour recouper, ajuster vous-même à votre taille tous ces effets. Il me sera de toute impossibilité de faire encore cette dépense pour vous. On ne saurait s'imaginer de quel train va l'argent dans cette partie de la province. Quelle différence avec notre cher Silverton. Mais je ne veux pas récriminer à ce sujet. Je considère parfaitement comme mon devoir de vous lancer dans le monde, et je savais bien, avant de quitter Silverton, que ceci ne pouvait pas se faire pour rien. Pourvu que vous fassiez convenablement votre chemin, ma chère, je ne me plaindrai jamais des sacrifices que j'aurais faits pour vous. Agnès était restée debout pendant toute la durée de cet affectueux discours. Après en avoir attendu tranquillement la conclusion, elle prononça son doux « Merci, tante » et se retira pour arranger ce paradis désiré depuis si longtemps, son petit cabinet. Les ténèbres la surprirent avant qu'elle eût complètement terminé sa tâche. Peut-être bien l'avait-elle prolongée un peu plus que de raison, car elle lui devait d'être seule, et son esprit, qui avait autant de finesse que d'innocence, se laissait aller avec délices au souvenir du ravissement qu'elle avait éprouvé en dominant le paysage si hardi et si splendide de l'Avonne. Elle bénissait le ciel d'avoir mis en son âme ce fond de bonheur dont elle avait actuellement la conscience en elle-même, cette faculté de contempler la nature en laquelle elle avait découvert une joie qui lui semblait assez puissante pour lui faire oublier et la tante Barnaby et n'importe quelle autre cause de chagrin. Elle avait aussi passé quelques-unes des heures de jour à ouvrir plusieurs de ses petits volumes, cherchant à y retrouver quelques descriptions de beaux sites qu'elle se rappelait avoir lus et qu'elle supposait devoir mieux comprendre maintenant. Et comme il arriva que ce fût Spencer qui tomba sous sa main, on ne s'étonnera pas que ces prairies émaillées de fleurs et ces forêts lugubres l'eussent entraînée à être comme perdue au milieu d'elles. À la fin, pourtant, elle avait fait tout ce qu'elle croyait pouvoir faire pour donner au cabinet l'apparence d'une chambre, et après avoir placé son tout petit miroir en sûreté, mis à sa place, sur sa misérable petite table, des plumes, de l'encre, un livre ou deux, elle jeta un regard de satisfaction tout autour d'elle, se disant que si elle pouvait être assurée d'avoir 3 fois par semaine une longue promenade dans la campagne avec les Peters, elle se trouverait très très heureuse, n'importe comment irait tout le reste. Étant arrivée à cette conclusion satisfaisante, car cette promenade 3 fois par semaine lui semblait une douceur qu'elle pouvait raisonnablement espérer, elle jeta un regard d'amour tout autour de sa chère et sombre solitude et s'en alla rejoindre sa tante au salon pour lui annoncer l'état de perfection auquel elle avait amené son installation. Elle la trouva assise près de la fenêtre ouverte. « Qu'avez-vous pu devenir pendant tout ce temps, Agnès ?» lui dit-elle. « Il est vraiment bien heureux que, grâce à mon caractère gai et enjoué, la solitude ne soit pas pour moi ce qu'elle est pour tant de gens, car je serais terriblement malheureuse avec vous. Convenez, ma chère, que vous êtes un drôle de corps, aussi stupide que bête. Autrement, n'auriez-vous pas deviné tout de suite qu'il n'y a plus à voir sur le devant d'une maison que sur le derrière ? J'affirme que je n'ai de ma vie rencontré une fenêtre aussi délicieuse que celle-ci. Vous ne pouvez vous imaginer le mouvement qui s'est fait ici depuis l'instant où je suis venu m'y placer jusqu'à maintenant que la nuit commence à tomber, et même en ce moment. Tenez, si vous voulez venir là, » et elle ajouta à mi-voix, « ne parlez pas. » Voyez-vous ce couple qui est resté seul, des amoureux, sans aucun doute, je le parierais. Là, tenez, restez à côté de moi. « Non, merci, ma tante, » dit Agnès en se retirant. « Je n'ai nulle envie de les voir. Je crois qu'on est bien mieux près du feu. » « Vous n'avez pas la prétention de m'empêcher de m'amuser, je suppose. Allons, ne soyez pas si sotte. Tâchez de ne pas vouloir paraître plus sage que les personnes qui valent mieux que vous. Venez ici, vous dis-je. Vous jetterez un coup d'œil. Je le veux. » Cette déclaration était secondée d'une assez rude poussée. Agnès se trouva debout au milieu de la fenêtre ouverte, la tête penchée en dehors, comme le voulait son énergique tante. À ce moment, les réverbères étaient allumés. L'un d'eux, se trouvant justement fixé en dessous de la fenêtre, projetait tous ses rayons sur le visage d'un grand jeune homme à la tournure éminemment distinguée qui passait, donnant le bras à une femme jeune, mince, grande, fort élégante, qui faisait mieux que s'appuyer sur le bras de son cavalier, car sa tête se posait presque sur l'épaule du jeune homme. Et tandis qu'il passait, Agnès vit la main du gentleman s'élever à la hauteur du visage de la dame, comme s'il voulait jouer avec les boucles de ses cheveux. Involontairement, Agnès avait retiré sa tête, mais Mrs. Barnaby, s'étant jetée presque à moitié en dehors de la fenêtre, ne s'en retirait qu'après une minute ou deux en riant de tout son cœur et en la fermant. « Voilà qui est fameux !» s'écria-t-elle. « Il se croit si tranquille. N'est-ce pas que c'est un bel homme, Agnès ? Je n'ai jamais vu un plus beau garçon de ma vie. Il a bien une tête de plus que Tate, certainement. Mais vous avez raison aussi de dire qu'on est bien près du feu. Car le vent qui vient de ces dunes est singulièrement froid. Je m'en vais me mettre à travailler pendant 1 heure, puis je prendrai un petit morceau de pain et de fromage avec une pinte de bière. » L'action suivit les paroles, et ouvrant sa boîte à ouvrage, Mrs. Barnaby trouva un assortiment de choses préparées pour son aiguille chérie. « Maintenant, voyez, Agnès, quelle ressource c'eût été pour vous si vous aviez appris à broder au plumetis, » lui dit-elle. « Me voici, moi, toute heureuse et toute contente. Et avant que d'aller me coucher, je parie que j'aurais fait la valeur d'un bon pouce de ce magnifique col. Et vous, en quoi pouvez-vous être utile à quelqu'un ? En vérité, je m'étonne que vous ne soyez pas honteuse de rester ainsi à paresser quand vous me voyez si assidue à l'ouvrage. Puis-je aller chercher un livre, ma tante ? Des livres, des livres, des livres. S'il existe une chose qui dépasse toutes les autres en paresse, c'est bien la lecture. Passer son temps à épeler des lignes les unes après les autres. Et quel avantage en retire-t-on ? Là, voici déjà une feuille de fête, et attendez un instant, vous allez voir toute une grappe de raisins qui va paraître en relief. Il y a quelque chose au moins là-dedans, mais demeurer les yeux fixés sur une masse de saleté de maux, c'est un vrai péché, car c'est gaspiller le temps que le ciel nous a accordé sans faire aucun bien à nos semblables. Et les raisins, pensa Agnès, mais elle ne dit rien. Pourquoi ne répondez-vous pas quand je vous parle, mon enfant ? Cette stupide Mrs. Wilmot ne vous a-t-elle pas appris à répondre aux gens qui vous adressent la parole ? Ah, si c'était moi qui vous eusse placé dans une pension au lieu de cette ridicule vieille fille toute tordue, combien vous seriez différente ? Mais j'ai bien peur qu'à présent, il ne soit trop tard pour pouvoir espérer, pouvoir jamais arriver à grand-chose. Si je pouvais travailler de façon à me mettre en état de me présenter comme institutrice, ainsi que vous me l'avez dit une fois, ma tante, je serai très contente, répliqua Agnès. Oh, c'est bon, plus tard. Tout dépendra des circonstances. Peut-être trouverai-je à vous marier, et peut-être cela m'ira-t-il tout aussi bien. Tout ce que je vous demande, c'est de vous tenir toujours prête à partir à l'instant, au premier signe, si je vous en donne l'avertissement. Mais ne parlez de cela à personne, et surtout, surtout, pas à mes parents. Très bien, ma tante, je n'en dirai rien. Mais pour être en état de partir, quand vous m'en donnerez l'avertissement, il faut que je travaille beaucoup, et si vous me le permettez, moi, je ne demande pas mieux. Dieu, que vous m'agacez avec votre travail! Rapprochez donc les chandelles de moi. Ne pouvez-vous pas les moucher? Vous voyez bien que je suis là à tirailler mes pauvres yeux sur cet ouvrage si fin. Et si vous voulez que je vous le dise, mademoiselle, je ne crois en rien au sérieux de vos livres. Pour que vous soupiriez ainsi après eux, ce ne peut être des livres d'études. Il faut que ce soit quelque drogue de conte pour les enfants. Car enfin, Agnès, il y a une chose bien positive, c'est que dans toutes vos études, vous ne vous êtes jamais appliqué à quoi que ce soit qui puisse vous être utile pour devenir une institutrice. La musique, par exemple, m'en avez-vous jamais parlé? Vous devriez chanter comme un rossignol si vous n'étiez pas plus bête qu'il n'est permis. Votre père et votre mère chantaient comme deux anges. Je sais un peu chanter, ma tante, dit Agnès. Là, voyez-vous, est-il assez clair que vous n'y prenez aucun plaisir? Quand tout le monde s'accorde à dire que votre pauvre mère avait une fortune dans son gosier, mais vous, vous ne voyez que des livres et toujours des livres. Quel profit en tirerez-vous? Voilà ce que je voudrais savoir. Mais, ma tante, j'aime beaucoup la musique, répliqua ardemment Agnès. Et si je ne vous en ai pas parlé, c'est uniquement parce que j'ai pensé qu'il serait indiscret à moi de vous demander un piano. Si j'en avais un, et que je puisse travailler, je crois bien que j'arriverai à gagner ma vie avec la musique. Oh, ma patience! Et voilà que vous me demandez un piano. Un piano? La dépense la plus énorme du monde! Ceci dépasse tout. En vérité, ma tante, je n'en aurais jamais dit un mot si... Si quoi, s'il vous plaît? Le ciel sait combien il est rare pour moi de sortir de mon caractère, mais c'est pas trop fort de vous entendre me demander ainsi, tranquillement, de me ruiner pour vous. Pour vous, qui n'avez qu'une chance de pouvoir jamais me rendre un sou. Oubliez cela, ma tante, je vous en supplie. Je n'ai certes nulle envie de vous être à charge, et si vous le permettez, je travaillerai bien volontiers pour gagner ma vie. Admirable, en vérité. Vous savez faire tant de choses, n'est-ce pas? Tenez, je n'ai qu'un désir, c'est que vous alliez vous coucher. J'ai ainsi mon caractère que chez moi la colère ne dure pas, et il est probable que j'aurai tout oublié demain. Mais après un discours comme celui que je viens d'entendre, je ne peux plus supporter votre vue. Non, vraiment. Aussi, allez vous coucher bien vite. Il y a des choses qui dépassent les forces des anges eux-mêmes. Agnès se glissa jusqu'à son petit lit et s'endormit bientôt au milieu de ses larmes.